Amis humains, bonjour. Deuxième volet de « Nous assistons à l'écroulement d'un monde, des forces immenses sont sur le point d'être déchaînées ». Entretien avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, CSE. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrin, Seuil, 2011, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010, et l'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique, La Découverte, 2011. Il a accordé un long entretien à la revue des livres fin décembre 2011. Il nous livre ses commentaires et analyses de la crise économique actuelle et de ses origines. Avec un ton incisif et un regard acerbe, il revient sur les causes et effets de la crise elle-même, mais commente également le traitement de l'économie par les médias, la place de l'économie au sein de l'institution universitaire, et l'éventuelle sortie de l'euro. Sonnant le glas du projet néolibéral, l'actualité est, nous dit-il, une occasion unique de changement profond, un monde s'écroule sous nos quelles conditions, politiques. Cet effondrement pourrait ne pas provoquer le triomphe des affects nationalistes et xénophobes, mais au contraire favoriser un rapprochement de certains peuples pour de nouvelles constructions monétaires, financières, budgétaires, politiques, solidaires. Si la sortie de l'euro est aujourd'hui probable, comment bien en sortir ? Je serai d'abord assez tenté de reprendre les termes même de la question pour souligner ce paradoxe que ce qu'on nomme la crise de l'euro, précisément, n'est pas en première instance une crise monétaire. L'une des particularités des événements actuels tient au fait que la monnaie européenne ne fait l'objet d'aucun rejet, ni de la part des résidents de la zone ni des investisseurs internationaux, comme en témoigne le fait que la parité euro-dollar se maintient à quelques fluctuations près. En tout cas voilà le fait, il n'y a pas, pour l'heure, de fuite devant l'euro, ni interne ni externe. Y en aurait-il une qu'elle ne serait que le développement terminal d'une crise dont la nature en fait est autre? Mais alors que peut-elle être si elle n'est pas stricto sensu monétaire? La réponse est qu'il s'agit d'une crise institutionnelle. C'est le cadre institutionnel de la monnaie unique, comme communauté de politiques économiques, qui est menacée de voler en éclats consécutivement à des crises financières ayant pour épicentre les dettes publiques et les banques. Si l'euro explose, ce sera à la suite de défauts souverains tels qu'ils entraîneront immédiatement un effondrement bancaire à moins que celui-ci ne se produise tout seul, par pure et simple anticipation des premiers. Dans tous les cas, le cœur de l'affaire sera une fois de plus le système bancaire et l'impossibilité de le laisser aller à la ruine sans autre forme de procès, proposition dont il faut sans cesse redire qu'elle n'est pas équivalente à le remettre sur les rails, et le faire repartir pour un tour. J'en profite donc pour ajouter qu'après m'avoir fait longtemps très peur, la perspective de cet effondrement m'est presque devenue agréable, car l'occasion serait enfin créée d'abord de nationaliser intégralement le secteur bancaire par saisie pure et simple, puis de le faire muter sous l'espèce d'un système socialisé du crédit. Ainsi donc nous nous plaçons dans l'hypothèse de l'effondrement bancaire, la question est de savoir quelle est, en l'absence des États, eux-mêmes ruinés, l'institution capable d'organiser le redressement financier des banques pour leur faire reprendre leur activité de fourniture de crédit. Dans cette configuration, il n'en reste plus qu'une, la Banque Centrale Européenne. Elle ne devrait pas seulement leur assurer un soutien de liquidité, ce qui est déjà le cas, mais les débarrasser de leurs actifs dévalorisés et les recapitaliser, et enfin garantir les dépôts et les épargnes. Inutile de dire qu'à l'échelle du secteur bancaire entier, c'est une opération de création monétaire massive à laquelle il faudra consentir. La BCE y est-elle prête ? Sous influence allemande, il est à craindre que non heureux l'urgence extrême de restaurer dans leur intégrité les encaisses monétaires du public et de rétablir le fonctionnement du système des paiements appellera une action dans la journée. C'est dire que les longues tergiversations pour parler à nos amis allemands ou renégocier un traité auront depuis belle lurée disparu de la liste des solutions pertinentes. Face à ce qu'il faut bien identifier comme des enjeux vitaux pour le corps social, un État, confronté au non-vouloir de la BCE, prendrait immédiatement la décision de réarmer sa propre banque centrale nationale pour lui faire émettre de la monnaie en quantité suffisante et reconstituer au plus vite un bout de système bancaire en situation d'opérer, observant alors au cœur de la zone une ou des sources, S, de création monétaire hors de contrôle, c'est-à-dire une génération d'euros impurs, susceptibles de corrompre les euros purs dont la BCE a seul le privilège d'émission, l'Allemagne. Cour constitutionnelle de Karlsruhe en tête, décréterait immédiatement l'impossibilité de rester dans une telle union monétaire devenue anarchique et la quitterait sur le champ. Probablement pour refaire un bloc avec quelques suiveurs triés sur le volet, Autriche, Pays-Bas, Finlande, Luxembourg. Quant aux autres nations, elles auront alors à choisir entre reconstituer un bloc alternatif ou bien retourner chacune à son propre destin monétaire. La France, quant à elle, tâchant de faire des pieds et des mains pour embarquer avec l'Allemagne sans être le moins du monde assuré d'être acceptée à bord, cet éclatement sera-t-il voué à libérer des résurgences nationalistes? C'est l'éternel argument des amis de l'Europe libérale et de la mondialisation réunis, l'état présent des choses ou bien la guerre. On pourrait commencer en leur faisant observer que l'état du continent tel qu'on l'a observé entre 1945 et 1985, et qu'un blind test leur ferait sans hésiter considérer comme l'enfer économique sur Terre. Protectionnisme, monnaie nationale, plan, souveraineté séparée, nationalisation, notamment des banques, a été des plus calmes sous le rapport des inquiétudes qu'il fait mieux d'éprouver poursuivant dans cette pente. On pourrait également leur faire remarquer, par un argument a contrario, que les nationalismes, les séparatismes et les extrémismes de droite ne se sont jamais si bien portés que depuis que les pays ont été soumis à la férule de la mondialisation libérale. Ce que je veux dire par là étant fait fort simple, il y a des formes d'internationalisme qui sont les pires ennemis de l'internationalisme. Fin de cette deuxième partie, à bientôt. Biz numérique.